ça aurait pu, mais ça peut plus. C'était avant, bien avant, qu'il fallait choisir son camp. Une impression d'acte manqué, un estomac légèrement noué. C'était avant, bien avant, qu'il fallait choisir son camp. Ça aurait pu, mais ça peut plus. C'est la vie qui choisit à la place des indécis. Relation conditionnelle, pourtant proche du septième ciel. Mais c'est la vie qui choisit à la place des indécis. Deux individus, deux trajectoires, des sentiments contradictoires, et la vraie vie qui roule sans phare, et la vraie vie qui rattrape nos histoires. Bien avant qu'il fallait être impatient, chassé croisé d'amants frustrés, ni oui ni non d'enfants gâtés. C'était avant, bien avant qu'il fallait être impatient. Ça aurait pu, mais ça peut plus. C'est décidé, dorénavant, j'écris mon bonheur au présent. Salut jeune fille et bonne route, la vie te sourira sans doute. Mais sans moi, car dorénavant, j'écris mon bonheur au présent. Deux individus, deux trajectoires, des sentiments contradictoires, et la vraie vie qui roule sans phare, et la vraie vie qui rattrape nos histoires. Belle au bois dormant.